Bien, quatrième jour, c'est l'avant-dernier jour parce que demain c'est le dernier jour du coup. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, le quatrième jour, c'était les rites en pleine forêt. Bon, le souhait était que, bon, en fait, on nous a dit qu'il y avait des rivières dans cette forêt, donc notre souhait était, si vous voulez, d'avoir directement accès à la mère nature, c'est-à-dire à la fois la mer, mais on s'est rendu compte que la mer était loin. La mer était très loin de là où on devait faire le rite à la mer. Il y avait donc d'espèces de, je sais pas moi, enfin on nous dit rivière, mais c'est pas vraiment rivière au sens style genre chez nous en Afrique. Je crois que ça sont des rivières où comment appeler ça? Qui ont été fabriqués, hein, parce que je n'ai pas vu de poisson dans ces rivières-là. Bon, bref, mais la chose la plus intéressante, nous avons quand même pu être dans la mère nature. Donc nous avons pu rentrer, et nous avons fait tous les rites nécessaires, les rites d'entrée dans une forêt. Parce qu'avant de rentrer dans une forêt, il y a toujours une autorisation. Là, j'ai appliqué donc les rites très anciens, hein, les rites. Je dirais égyptien, avant même le rite égyptien, j'ai utilisé d'autres rites de d'autres pays. Vous allez vraiment aimer ça, mais dommage que pour le moment, elles ne peuvent être pas disponibles maintenant, mais je crois que d'ici la semaine prochaine, vous aurez donc l'occasion de suivre le cumul de chaque vidéo, disons. Des activités du séminaire. Donc aujourd'hui, retenez simplement que, et pardonnez-moi, hier, je n'ai pas pu mettre à votre disposition les images, parce que je crois que je devais avoir un problème avec l'appareil. Donc aujourd'hui, tout était centré sur le culte des ancêtres, les fondamentaux qu'il fallait bien retenir. Et donc je les ai amenés en pleine pratique même, on a pratiqué dans la forêt. Il le fallait. Et c'était très intéressant parce que de là, nous avons appris que, ça, même moi-même, hein, bon, au niveau des États-Unis, j'avoue que je n'avais pas fait cela. Je suis rentré directement dans la. J'ai été simplement le bienvenu et accueilli. Mais pour le cas du Havre, j'étais tellement excité, tellement content de venir ici. Les génies du Havre n'avaient pas donné l'autorisation. Ce qui fait que hier, il a fallu que je rentre un peu en méditation. Et ils m'ont dit, voilà, si tu veux notre autorisation, voilà ce que nous te demanderons de faire. Donc aujourd'hui même, ce soir, nous nous sommes rendus. Et puis, j'ai demandé la permission, d'abord à l'entrée. Et puis les génies qui sont là, les génies du Havre, mais mon Dieu, mais c'est merveilleux. Donc ces génies du Havre m'ont parlé. Vous verrez dans la vidéo, c'est merveilleux. Ils m'ont indiqué que non, pour y entrer, il faut rentrer par la porte du nord. Pas question de rentrer ailleurs. Donc, j'ai suivi les consignes. Il fallait rentrer donc par la porte du nord. Et cette porte du nord, c'est deux arbres. Bizarrement, les deux arbres qui étaient à l'entrée. Et tous ceux qui étaient là, ils ont vécu des scènes merveilleuses. Ah oui. Je crois un couple français là qui marchait. Et puis. Mais le deuxième chien s'est mis à nous regarder. Okay? Le chien s'est mis à nous regarder. Il nous a observés. Il me regarde et il faisait la tête comme si. Honnêtement, vous verrez dans la vidéo. Est-ce que ça a été même pris dans la vidéo? Je ne sais plus. Je crois, oui. Le chien s'est mis à secouer la tête. Je ne sais pas si l'opérateur a dû prendre cette partie avec la caméra. Le chien faisait ceci. Donc pendant que je parlais, le chien approuvait. Oui. Oui, vous êtes sur la bonne porte. Vous êtes sur la bonne voie. Oui, eh bien, le chemin y est. Drôle de coïncidence. Voyez-vous? Ce n'était pas une coïncidence. Ce sont les maîtres qui nous ont donné le OK. Donc, après, nous sommes rentrés. Nous avons respecté les consignes. Ils ont donné des consignes. Pardonnez-moi, j'ai été interrompu. Veuillez me pardonner, il y a eu une petite interruption. Donc je disais que le chien a utilisé un certain langage et que tout le monde se posait la question. Tous ceux qui étaient là en train d'observer, ils disent, mais c'est pas possible, le chien est en train de parler au maître. Bon, vous verrez la vidéo, elle est disponible. Je crois avoir l'image. Et attendez que j'essaie de la récupérer un peu. Bien, je crois avoir la vidéo. Ça m'a beaucoup personnellement choqué. C'est le deuxième grand miracle que j'ai vécu. L'autre miracle, c'était au Gabon, dans la zone du Cap Estérias. Mais celle-ci, c'était ici maintenant aux États-Unis que j'ai pu vivre cette scène. Donc oui, et puis voilà, on est rentré. Et quand nous sommes rentrés, on a fait ce qu'il fallait faire, on a fait les rites, les ancêtres nous ont demandé de nous présenter. Donc je me suis d'abord présenté, j'ai ouvert le bal. Et puis voilà, les portes étaient ouvertes, tout le monde s'est présenté aux ancêtres, ils ont émis leurs vœux. Voilà. Donc voilà, ça c'est la séquence de la vidéo qui est en train de passer. Mais rassurez-vous que elle va être disponible. Donc là, on est à l'entrée de la forêt. C'est là que je suis en train d'expliquer. Ouais, je crois que c'est dommage que l'opérateur n'a pas pu malheureusement prendre cette scène insolite. Malheureusement. Malheureusement. C'est dommage. Donc là, c'est voilà, ça se passe à l'entrée du temple. Parce que les génies. Et puis vous constatez qu'il y a une cloche. Et c'est. Je vous avoue que ce n'est pas mon équipe qui joue cette grande grosse cloche. C'est qu'à chaque fois que je faisais une. Je m'apprêtais à faire une intervention divine, spirituelle. Eh bien, voilà, il y avait une sonde qui. Il y a une, voilà, une cloche qui sonnait de quelque part. Je fais tel signe, il y a une cloche qui sonnait de quelque part. Et vous allez aimer, c'est un très bon film, mais rassurez-vous une fois de plus que la cloche en question, ce n'était pas nous. Donc là, je suis en train de faire le cérémonial de bénir l'entrée du temple. Voilà, vous entendez ça? C'est indépendamment de moi, hein? C'est vous dire que là, les esprits étaient en œuvre. Les esprits étaient en œuvre. Même moi-même, j'étais surpris. À chaque fois que je faisais un rituel, il y avait cette grosse cloche de l'église, alors qu'il n'y a pas d'église, hein, nous sommes en pleine forêt là, qui sonnait. Et donc, c'est merveilleux. Voilà, donc c'est ça qui a été vraiment un grand moment aujourd'hui. La vidéo sera disponible, rassurez-vous. Je vais l'envoyer à notre technicien et j'essaie de travailler avec lui. vous allez aimer ça, hein, je vous en prie. Parce que même moi-même, je suis très ému là. C'est la première fois que, quand je fais, depuis que je fais cette affaire du mysticisme pour 45 ans, hein, c'est la première fois que j'ai vécu ce genre de miracle. Ouais. Voilà, vous entendez, ça continue. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Ça continue. Et ça fait. Ça sonnait à chaque fois que je faisais un signe mystique, que je faisais une opération spirituelle sur les participants au séminaire. Waouh! Waouh! C'était merveilleux. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et demain, nous allons clôturer le séminaire demain par une surprise du maître. Donc, mais dans cette surprise, puisque nous n'avons pas pu avoir accès à la mer, nous n'avons pas pu à cause du temps. Vous savez qu'ici en France, tout comme aux États-Unis, hein, à partir de 17h30, hein, il fait déjà nuit. Donc du coup, la nuit nous a surpris là. Et à 18h, oulala, on ne pouvait plus rien. Et on ne peut plus non plus repartir à la salle parce que On avait renvoyé l'agent de la sécurité, hein, qui s'occupait de la sécurité de l'événement. Et quand on l'a renvoyé, ben, la salle, s'était refermée. Donc, du coup, on ne pouvait plus repartir. Donc, je suis rentré chez moi. L'équipe, chacun parti chez soi également. Je suis venu pour pouvoir préparer un peu parce que demain, j'ai encore des consultations. Aujourd'hui encore, c'était une journée très chargée de consultations. J'en ai reçu près de 5 personnes aujourd'hui. Alors, imaginez-vous que les consultations se passent généralement entre 9 h jusqu'à 13 h. Et à 13 h, je dois me préparer, je dois me précipiter à me préparer quelque chose à manger d'abord. Et 14 h 30, je dois m'apprêter pour aller au séminaire. Donc, vous imaginez, je fais ceci bientôt une semaine. C'est pas facile, c'est épuisant, c'est très épuisant. Surtout que je fais toutes choses tout seul. Et ensuite, ce soir également, j'avais deux travaux. Il y a une personne que je devais faire des travaux de purification. L'autre, il fallait faire la suite du Mbumba Eyano, donc le rite de la femme de nuit et du mari de nuit. Vous comprenez? Donc, c'est pas facile. Donc, là, je viens à peine de rentrer. Il est 21 h combien là? Je crois qu'il doit être 21 h 30, si je ne me trompe pas, ou 22 h. 22 h moins. Donc, très, très, très fatigué. Très fatigué. Et là, tout à l'heure, après manger, je vais encore faire des travaux. Vous comprenez? Ça sonne toujours là. Et là, je suis en pleine action. Là, on est en train de marcher dans la forêt profonde. On rentre. Et je me suis déjà. J'ai donné des consignes. C'est pas moi. Les ancêtres ont demandé. Les génies ont dit, pas question de regarder derrière. Vous partez. Et vous devez partir. Donc, voilà la scène de ce soir. Vous entendez les pas là. C'est dans la forêt. Voilà. Tout le monde est en train de marcher avec moi dans la forêt pour aller faire les rites expérimentaux, c'est-à-dire rentrer en communion avec les génies de la forêt. Et ce jour, j'ai appris finalement que. Finalement, ce n'était pas un hasard, une fois de plus, je l'ai toujours dit, que les génies depuis les États-Unis m'ont bien dit qu'il fallait forcément, parce que moi j'avais choisi la Lorraine ou bien Marseille. Mais les génies m'ont dit, niet, il faut aller dans le Havre. Oh là là, mais j'ai eu la chair de poule, parce que quand j'arrive et que je demande l'autorisation aux génies de rentrer, et puis, ces génies-là, choisissent un arbre particulier. Et voilà, je me retrouve face à cet arbre. Et l'arbre m'appelle. Et c'est devant cet arbre, finalement, que nous allons faire tout le cercle. Et nous allons faire le rite de rentrer en communion avec nos ancêtres. Je vérifie bien si les branches de cet arbre sont vivantes. Vous allez le voir dans la vidéo quand il sera disponible. L'arbre me répondra que ça ne sert à rien de me tester. Hein. Je vis. Et c'est ici. Bon, les gens avaient un peu peur. Voilà, là je leur demande donc de s'asseoir dans le bois. On est complètement dans la forêt là. Bref, le moment est vraiment émouvant parce que les génies donc du Havre, disais-je, ce génie-là, j'étais surpris qu'il y avait des blancs, des noirs, tous ils étaient là autour des arbres. Ils m'ont dit, soyez le bienvenu. Nous t'avons donné l'autorisation de venir dans notre forêt. Enlève le langage de dire que ça c'est la forêt des blancs parce que le Havre. Il y a de cela près de 33 000 ans, j'étais surpris, il y a cela 33 000 ans, le Havre n'était pas le Havre. Et que le Havre, l'Afrique, l'Amérique du Sud formaient un seul continent. Donc nous nous sommes dispersés, on s'est écartés, mais nous avons les mêmes pouvoirs qui viennent de la mer originelle, c'est-à-dire l'Afrique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, mais Al-Kulbulani. Éthiopie et Mputu, donc la terre kémite, tout est parti de là. Et voilà comment, quand je rentre en communion avec des génies qui ont choisi un arbre spécifique, ils m'ont fait toutes ces révélations. Donc ils m'ont dit non, il faut maintenant te présenter. Qui es-tu? Tu es venu nous provoquer. Alors je me suis présenté selon la tradition, comme la tradition l'exige. Donc là, je suis en train de jouer quelque chose qu'on appelle un ntchégé, que vous connaissez certainement. Tout le monde connaît ce que c'est, un ntchégé, n'est-ce pas? Et Ouais, je crois que la dernière fois, je l'ai montré, c'est ça. C'est ça. Ça permet de communier avec les esprits. C'est ça. Et ça ne se joue pas n'importe comment, il faut vraiment initier. Et quand vous jouez ça, vous rentrez en communion donc avec les esprits. Et c'est ce que je fais autour de l'arbre. Ils m'ont d'abord parlé en esprit, il fallait que je garde le silence. Et ensuite, j'ai reçu le code. Et ils m'ont dit, il faut te présenter. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc voilà toutes les révélations. C'était une journée merveilleuse, je vous dis. Jusqu'ici, j'ai la chair de poule. Hein. J'ai jamais fait ce genre d'expérience. Je vous dis que je suis rentré dans la forêt gabonaise. Peut-être parce que c'est ma terre-mère, mais ici, c'était une forêt assez exceptionnelle. Ça, c'est. Donc l'esprit est en train de parler à travers moi. Voilà. Et donc après ça, les autres vont pouvoir également se présenter. Et je vais me présenter. Voilà. Là, je suis en train de parler. Je me présente. Bien. Voilà donc la journée d'aujourd'hui commence à. Ça a été une journée merveilleuse, pleine de merveilles, là en pleine forêt des pays des Blancs, donc la forêt d'une ville qu'on appelle Le Havre. Et donc j'ai appris en allant faire quelques courses là avec des personnes que j'ai rencontrées ici, donc des frères. Et voilà comment nous sommes allés dans un magasin et je rencontre un étudiant sénégalais qui me dira. Enfin, on a parlé de tout, de rien, mais je lui dis, vous êtes d'où là? Il est du Sénégal. Et je lui dis, moi, je suis du Gabon. Il me dit, oh là là, mais l'université où il parle, l'université du Havre, il m'a dit que la majorité des étudiants, c'est des Gabonais. Alors là, moi, je suis surpris, moi. Hein? Je ne vais pas donner d'autres détails, mais c'est une université qui coûte très cher, mais qui m'a dit, la majorité des étudiants africains qui sont dans cette université du Havre, ce sont des Gabonais. J'ai dit, alors, ça m'a fait plaisir hein, de me retrouver au milieu de vous et tout ça. J'ai fait la connaissance des quelques frères blancs qui sont mariés à des Africaines. Et ils ont demandé mon contact. Je ne sais pas qui a fait la publicité. Je dirais en 4 jours, j'ai consulté près de déjà 11 personnes. Hein. Attendez, 11 plus 11 plus 4, ça fait combien? 15. C'est un record. Je ne m'y attendais pas. Et là encore, il y a déjà des rendez-vous, les gens qui m'appellent. Il y a même certains qui veulent. Qui m'ont appelé là, qui sont, je crois, dans d'autres villes. Il y a certains qui sont à Paris, d'autres qui sont du côté de Nice et de Lyon. Il y a des Blancs, tout comme des Noirs, qui m'appellent pour des consultations. Je dis, mais mon Dieu, moi, je ne suis pas un charlatan. Je suis un maître initié. Je suis un logologue. J'enseigne la logologie, la science des sciences. C'est vrai que. Exceptionnellement, ça arrive rarement parce que ce ne sont pas tous les conférenciers que vous voyez voyager à travers le monde qui sont capables de faire des consultations en live, direct, sans aucune erreur quelconque, et prendre ces risques-là. Et surtout, les gens qui sont venus se faire consulter, ils étaient surpris qu'ils ne pouvaient pas trouver les bruitis ou des choses ou faire du bruit. Non, non, non, ils s'asseyaient, on s'asseyait face à face et puis je leur déballais toutes les vérités. Je suis sûr que. Parmi les personnes qui sont venues me consulter, ils ont dû faire la publicité. Ça, je suis convaincu. Et en faisant cette publicité, voilà, ça m'entraîne maintenant des ennuis parce que je ne vais plus me rêver, me reposer. Bon, Dieu merci que d'ici là, je bouge là, hein, dans quelques jours. Je vais aller ailleurs. Et puis, voilà. Enfin, je ne les fouille pas. Je vais les recevoir. J'étais obligé, là, j'ai déjà noté les noms. Ils disent qu'ils vont être là d'ici vers 5h, 6h du matin. Ils vont être à l'hôtel. Ils ont préféré sacrifier des sous parce qu'ils veulent me voir. Ils veulent que je les consulte. J'ai dit, mais je ne suis pas venu ici. Si ça aurait été le cas, j'aurais dû faire une annonce sur ma chaîne Tata Nzambe ici que voilà, Mwereo Mouvier viendra faire une tournée en France uniquement des consultations et de purification et de guérison. J'aurais dû l'annoncer. Et là, comme ça, je savais que j'allais amener tout mon matériel, j'allais me préparer par conséquent. Mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu d'abord me faire connaître auprès des gens. Parce que beaucoup d'entre vous, vous me voyez tout le temps en train de faire des enseignements. mais qu'il fallait qu'on me voie face à face. Voyez-vous? Les gens m'ont vu face à face. Les gens, je vous signale que la majorité venait juste pour me tester, pour s'assurer que les consultations qu'ils ont eues ailleurs, ils voulaient s'assurer vraiment que je peux voir. Donc, ils m'ont dit, oui, c'est vrai, tout ce que vous nous dites, on nous a dit, mais il y avait ce détail ici qu'eux ne nous ont pas dit. J'ai dit, mais écoutez, le détail que je vous donne, est-ce qu'il est vrai ou faux? Il dit, oui. Bon, bref, c'est pour vous dire, en résumé, que mon séjour, puisqu'il prendra fin demain, logiquement, bien que je resterai un peu jusqu'à lundi, et puis lundi, je dois voyager quelque part d'autre. On m'attend, je serai là-bas pour 4 jours, et après, je vais revenir en France pour quelques jours et repartir chez moi aux États-Unis. Donc, ce que je retiens de cette tournée, c'est que il y a eu beaucoup plus d'activités, de consultations que, je vais dire, les gens, certes, sont venus au séminaire, mais il y a même nombreux qui ne sont même pas venus au séminaire. Je me dis, mais mon Dieu, comment je me retrouvais seulement avec 20 ou 30 personnes à la salle, mais où sont tout le monde? Mais je me suis rendu compte que beaucoup étaient enfermés dans les hôtels juste pour attendre, soit pour des guérisons, parce que je connais au moins 5 comme ça ou 6, qui sont venus uniquement pour faire leurs travaux de guérison, pour faire leurs travaux de spiritualité. D'autres, c'était uniquement pour les consultations, honnêtement. Ce qu'ils voulaient, c'est seulement les consultations. J'ai dit, alors là, bon, ça ne me dérange pas, hein? Écoutez, ça ne me dérange pas. Okay? Voilà, brièvement la journée. La conclusion, quoi, en quelque sorte, parce que peut-être demain, je n'aurai pas le temps de faire un autre live, mais je ferai le possible pour que le caméraman puisse enregistrer le live de demain. Si je ne me sens pas fatigué, je vous ferai un autre résumé, soit demain ou lundi. Que Tetan Mwanga vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Voici donc un peu ce qui s'est passé le 4e jour. C'est l'expérience en pleine forêt. La forêt où se trouvent les esprits de Tetan Mwanga. La forêt où se trouvent tous les grands esprits. Quel que soit le pays où vous allez vous retrouver, que vous soyez au Brésil, que vous soyez ici en France, je vous assure, c'est donc ça l'expérience d'aujourd'hui, même si j'ai été dans les forêts amazoniennes au Brésil, mais l'expérience de la France, parce qu'au Brésil, les esprits ne m'ont pas demandé autorisation, hein? Donc ne négligez pas les Blancs, hein, s'il vous plaît. Les Blancs, moi, je me suis rendu compte qu'ils sont très forts. Ce n'est pas pour rien qu'ils viennent chez nous, venir apprendre le bouti, venir prendre nos histoires et venir renforcer ça ici. Et nous, on est là bêtement, on rendra les histoires de Alléluia, on rendra les histoires de Jésus, on rendra les histoires des religions des Blancs. Entre-temps, les Blancs eux-mêmes, je vous dis, j'ai vérifié, il y en a, ils ne veulent même plus s'intéresser aux religions. Et ils s'intéressent beaucoup plus à nos cultures, à nos traditions. Parmi les participants à mon séminaire, j'ai eu des Blancs qui sont là, qui sont venus. C'est pour vous dire que notre frère Blanc également s'intéresse à nos choses. Parmi les gens que j'ai consultés aujourd'hui, c'est un Blanc. J'ai consulté un Blanc qui est marié à... Il m'a dit, il est marié à une Africaine d'origine, je crois, burkinabé. Ils ont des enfants. Vous vous rendez compte? Et parmi les gens qui ont réservé pour demain et lundi, je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 Blancs. Donc c'est pour vous dire que même les Blancs s'intéressent à nos choses. Mais nous, les Africains, on néglige. Alors là, je crois que je vais m'entendre avec l'équipe du Baobab de France ici et d'autres personnes que j'ai eu à faire la connaissance. Et même le Blanc que j'ai consulté, il m'a dit non, non, vous pouvez me donner votre carte de visite. Je lui ai exhibé ma carte de visite. Heureusement, j'en ai amené plein. Je lui ai dit, voilà ma carte de visite. Il dit, OK. En tout cas, nous gardons le contact. Je crois que la prochaine fois, je vais vous inviter. Parce que, honnêtement, vous m'avez fait trop de révélations dans ma vie, mais mon Dieu! Et vous connaissez tous là, mes ancêtres là, mon père, comment il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, l'arrêt cardiaque qu'il a eu là de sa belle famille parce qu'il était un grand homme d'affaires. Mais c'est pas possible, moi, il fait des révélations. J'ai dit, c'est comme ça. Mais ces révélations et ces pouvoirs, ça ne vient pas de moi, ça vient de mes ancêtres. Et mes ancêtres me l'ont révélé. Il était assis, il était là assis, il était un étonné. Mais vous utilisez une boule de cristal? Vous savez, les Blancs sont très curieux. Ils me demandent, vous utilisez une boule de cristal? Mais qu'est-ce que c'est? Il me demande mon Tchégué. Parce que, avant de démarrer, pour son cas, les autres, ils peuvent vous témoigner. Je n'ai pas utilisé ça. Donc, à lui, avant de démarrer, je fais ceci. C'était en fait pour moi, parce que ce n'est pas une question de racisme. C'est la première fois que j'avais un blanc en face de moi. Donc, j'ai demandé l'autorisation à mes génies de me connecter avec ces génies. Bon, je lui ai expliqué, bien sûr. Et c'est pour cela qu'il était surpris. J'ai dit oui, ça, c'était un code pour moi d'avoir accès. Comment dire, au portail de votre royaume, au portail de vos ancêtres. Je lui dis, oh bon, je dis oui. Vous savez, les Blancs parlent beaucoup. Donc, ils posaient trop de questions, Comment j'ai fait? Comment j'arrivais à voir à décrire son grand-père? Est-ce que je vois ça sous une forme de, sous la forme d'un film ou quoi? Bref, donc, lui et moi également, nous avons donc prévu un plan, je ne vais pas partager ça ici, et qu'à l'avenir, il m'a dit, il va s'arranger à inviter tous ses frères à Balan, si possible, et commencer à faire la publicité. Donc, je lui ai donné ma carte de visite, il dit, il va parler à ses frères, je ne sais pas. Que Tete Mwanga nous bénisse, c'est autant d'opportunités et d'ouvertures. Bon, même si chez moi au Gabon, on n'a pas besoin de moi, comme on dit, hein, je crois que c'est ce que le Jésus des chrétiens dit, non? Qu'on n'est jamais prophète chez soi. Bon, on me néglige. Mais voilà, les Blancs me considèrent. Les autres frères africains qui étaient ici, eux-mêmes, ils ont vu que Tete Mwanga s'est exprimé à travers moi. Ce n'est pas moi qui ai parlé, mais c'est Tete Mwanga, avec les génies. Alors, que Tete Mwanga di Banka Banka, Nzambakana, vous bénisse. Et que ce qu'il faut retenir, c'est que l'équipe des États-Unis d'Amérique, j'ai constaté qu'il y a déjà 5 personnes qui se sont inscrites. Bravo à notre administratrice, qui est également américaine. Merci beaucoup. Continuez à sensibiliser les gens. Parce que regardez l'exemple de la France. Hein. C'est vrai que le nombre n'a peut-être pas atteint ce que nous nous attendions. Mais je vous dirais que je suis plus que content. Parce que je vous ai dit, il y a eu des gens qui ont été empêchés. D'autres, c'est le problème des jalousies des maris ou des femmes. C'était vraiment tout un palabre. Mais on a quand même pu avoir une bonne dizaine de personnes qui sont arrivées, une bonne quantité de gens. Je suis très content. Ils ont pu avoir l'échange. Comme je l'avais dit, hein, ce n'est pas la quantité qui comptait, mais que le minimum, même s'il y a seulement 10 personnes ou seulement 20 personnes qui vont être là, il n'y a pas de problème. Et c'est exactement ce que j'avais prévu. Le premier jour, c'était un peu bas, peut-être 10 ou 15. Et avec le temps, nous avons atteint les objectifs que nous voulions. Donc, vous savez, même dans le passé, les connaissances, c'est toujours on passait les connaissances toujours dans des cercles restreints. On n'avait pas besoin de beaucoup de personnes. La preuve en est sur Yahshua. Yahshua avait combien de disciples? On nous dit qu'il avait seulement 12, non? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas la quantité qui compte. De tout ce que j'ai amené dans la grande forêt, j'ai seulement remarqué qu'il y en a 4 qui peuvent être mes disciples. Et pourtant, ils étaient nombreux, hein? Hommes comme femmes, là. Mais j'ai remarqué seulement 4. Et je l'ai constaté d'ailleurs pour les 4 premiers jours du séminaire qu'il y en a 4 qui, s'ils continuent à travailler ainsi, peuvent être mes futurs disciples. Ça veut dire, le moment venu, ils peuvent venir là-bas à mon temple aux États-Unis, recevoir la grande initiation pour que ceux-ci puissent, avec toute honnêteté et fidélité, transmettre le flambeau des connaissances, lesquelles connaissances ont transcendé leur esprit. C'est-à-dire, comme on le dit, que toute connaissance est comme des phares, lesquels phares qui sont projetés directement à votre conscience et éveille, et plutôt les phares qui sont projetés à votre esprit et lesquels esprit donc lequel phare va finalement faire éclore ou ouvrir les arcanes secrètes, vous montrer, éveiller finalement les plaques sensibles de votre esprit afin que vous ayez accès à la grande connexion de Theta Mwanga, donc la connexion avec l'âme universelle, et que votre cordon ombilical, original et ancestral, puisse être ravivé et voire même coupé pour que vous deveniez finalement le maître des maîtres, et puisque vous avez été créé à l'image de Theta Mwanga. Merci encore. Soyez salués et bonne nuit. Merci, merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bassé.